ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Joseph-Alexandre de Sèvres. C'est donc vous dire que votre canal 10, toujours soucieux de vous présenter un horaire varié d'émissions de choix, sera en mesure, dès septembre prochain, de présenter à son public des programmes en couleur. Merci de votre attention particulière qui nous a permis d'obtenir la meilleure cote d'écoute au Canada. Joseph Alexandre de Sèvres, plus communément appelé J.A. de Sèvres en janvier 1966, qui annonce au public de Télémétropole l'arrivée prochaine des émissions en couleur et qui se félicite par le même coup, vous l'avez entendu, du succès remporté par sa chaîne. Il faut dire que l'histoire de J.A. de Sèvres est en elle-même une formidable histoire de succès. Homme d'affaires au flair redoutable, il sera d'abord propriétaire de dépanneurs avant de se lancer dans le cinéma comme distributeur, puis comme producteur. Et puis, il se tournera vers la télévision avec la création de Télémétropole qui deviendra plus tard le réseau TVA. L'histoire de J.A. de Sèvres, c'est aussi un peu l'histoire de la convergence avant l'heure. Dans quelques semaines, une nouvelle station de télévision de langue française fera ses débuts à Montréal. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous et un succès raisonnable. En recrutant son personnel supérieur parmi les pionniers de la télévision, ils ont sans doute voulu nous rendre un hommage que nous acceptons bien humblement. Le président de Radio-Canada, Alphonse Ouimet, qui réagit à l'ouverture prochaine de Télémétropole, on est en janvier 1961, pour nous présenter l'homme derrière la naissance de Télémétropole. Je reçois Yves Levert, critique et professeur de cinéma, auteur de nombreux livres sur le cinéma, dont l'histoire générale du cinéma au Québec, auteur également de la biographie J.A. de Sèvres, diffuseur d'images, publiée aux éditions Michel Brûlé. Monsieur Levert, bonjour. Bonjour. C'est assez extraordinaire cet extrait parce que déjà, ça fait ressortir un aspect très particulier de la personnalité de J.A. de Sèvres, son incroyable sens des affaires, Alphonse Ouimet, le président de Radio-Canada, qui lui reproche un peu en boutade, mais qui remarque en tout cas qu'il a eu ce flair d'aller chercher à la maison Radio-Canada parmi les meilleurs talents pour les amener à Télémétropole. C'est tout de suite, on peut le dire, c'est un homme d'affaires redoutable, J.A. de Sèvres. Oui, et c'est un bon exemple parce que dès les années 50, il voulait faire de la télévision, puis là, il a commencé à regarder qui pourrait venir voler à Radio-Canada. Oui. Alors, il va venir chercher des réalisateurs importants comme Roland Giguère, André Ouimet et plusieurs autres, des techniciens, oui, avant même d'instaurer Télémétropole. Vanter, il va s'en vanter, puis il va remercier Radio-Canada de lui avoir préparé du personnel compétent. Oui. Vous avez consacré un ouvrage complet à J.A. de Sèvres. Pourquoi? Qu'est-ce qui, pour vous, devait être... Pourquoi faire un ouvrage entier sur J.A. de Sèvres? Ben, parce qu'il n'existait pas. On aime souvent écrire un livre qu'on aimerait lire, mm-hmm, puis comme il n'existe pas, bien on l'écrit. Alors, comme il n'y avait rien sur de Sèvres, juste des informations éparses ici et là, j'ai dit, tiens, ça serait intéressant. Alors, j'ai écrit ça pour le faire connaître. Ouais. Et puis, c'est un très, très bon exemple d'hommes d'affaires importants avant Chagnon, avant... Un pionnier. Vous le comparez d'ailleurs, ça je suis curieux, dans votre biographie, vous faites une comparaison entre J.A. de Sèvres et le personnage de Citizen Kane. Pourquoi? Parce que, bon, il y a une différence fondamentale, c'est que dans Kane, lui, il reçoit une fortune à 25 ans. Ouais. Mais c'est pas ça qui l'intéresse, c'est d'aller dans les médias et de s'emparer de beaucoup de postes de radio et de dominer tout un monde des médias. Alors, de Sèvres, ça l'a fasciné, lui aussi, parce qu'assez rapidement, il a voulu entrer dans les médias. Est-ce que le personnage de Kane, le savez-vous, si le personnage de Kane, de Citizen Kane, a été carrément une inspiration pour J.A. de Sèvres? Je ne crois pas. Non. Non. Mais de Sèvres avait très, très peu de culture américaine. Ouais. Il parlait mal l'anglais. Et il ne s'intéressait pas beaucoup à la culture américaine. Ce qui l'intéressait, c'est d'être un grand entrepreneur canadien-français. Il va insister beaucoup là-dessus à différentes époques de sa vie. Quand vous vous mettez à écrire le livre, vous dites, il y avait un grand trou. Je me suis dit, il faut qu'on écrive, que quelqu'un écrive une biographie sur J.A. de Sèvres. Mais ce qui est frappant aussi, vous en parlez dans votre livre, c'est que quand vous commencez à vous mettre à l'écriture de ce livre-là, vous réalisez qu'à sa mort, c'est le point de départ pour un biographe, on va voir ce qui a été écrit à sa mort, il y a des trous énormes aussi pour ce qui est de sa vie privée. Pourquoi? Pourquoi? Très, très, très discret, grand mystère autour de sa vie privée. Avez-vous compris pourquoi? Ben, parce qu'il a eu beaucoup de maîtresses et parce qu'il tenait à garder sa vie privée complètement en dehors du monde des affaires. Et à peine à 30 ans, il va quitter sa femme, il va faire un enfant avec une autre fille, une autre jeune femme, puis après ça, toute sa vie, il va avoir plein de maîtresses, mais il s'en occupait très bien, mais il voulait pas que ça interfère sur les affaires, parce que pour lui, ce qui comptait, c'était les affaires. Ouais. En fait, les amours, pour lui, c'était une distraction. Ouais. C'est pas la chose importante. Ouais. Et soucieux de son image publique, ce qui fait qu'il sera toujours seul. Il va participer, Dieu sait qu'il va participer à plein de premières, de lancements, mais il est à peu près toujours seul. J.A. de Sèvres sur les photos entourant ces événements. Commençons par le commencement. Parlons du jeune, du très jeune J.A. de Sèvres. Il naît à Saint-Henri en 1896. À quel milieu appartient-il? Alors, son père est comptable pour la ville de Saint-Henri qui vient d'être créée et son grand-père est avocat. Mais son grand-père meurt pas longtemps après la naissance de Sèvres et son père meurt quand il a 11 ans. Il est le 10e de 16 enfants et puis quand son père meurt, même s'il possède une maison, c'était une petite classe moyenne, mais qui vit assez pauvrement. Ouais. Il va en parler beaucoup par ailleurs après. Alors lui, dès 13 ans, après avoir fini sa 7e année, il lâche l'école. Il n'y a pas le choix, il faut qu'il travaille. Et puis là, il veut devenir déjà une sorte d'entrepreneur indépendant. Ouais. Alors la job qu'il va faire, c'est aller vendre des journaux, des cigarettes, des bonbons sur le train du Canadien Pacifique, qui passe dans Saint-Henri avant d'arriver à Montréal. Il arrête à Saint-Henri à cause des usines. Il embarque dans le train. Il vient jusqu'à Montréal pour vendre toute sa camelote. Et puis après, il revient avec le train. Puis comme ça, il devient déjà un entrepreneur indépendant. Et pour lui, ça va être essentiel pour tout le reste de sa vie. Ouais. Et la première entreprise plus, plus officielle, qu'est-ce que ce sera? Comment il viendra carrément au monde des affaires? Alors, il va d'abord vouloir se donner une certaine formation, comprendre comment ça marche vraiment le monde des affaires. Alors, c'est pour ça qu'il va travailler dans une banque où il va apprendre comment fonctionne le système bancaire. Il va travailler comme clerc de notaire, où il apprend maintenant comment se font toutes les transactions. Et puis, en 1929, dès le début de 29, là, il veut se lancer un peu dans l'immobilier. Ça marche encore très bien. La crise va arriver seulement 10 mois plus tard. Alors, il se lance avec des gros projets, mais qui vont tous éclater en 1931. Et c'est là que, avec le petit peu d'argent qui lui reste, il va acheter des crèmeries, une sorte de dépanneur. Ouais. Ça va être sa première entreprise. Il y en a plusieurs. Où il va vraiment dominer, là. Ouais. C'est lui, l'entrepreneur. Déjà, la chaîne, cette idée là d'être propriétaire d'un réseau, elle est déjà implantée dans lui, dans son cerveau. Et même que l'idée de convergence, déjà, quand il va devenir distributeur et locataire d'une salle de cinéma, à la salle de cinéma, il va donner des billets gratis à ceux qui vont à la crèmerie. Ah bon? Alors, en allant chez le dépanneur, on pouvait avoir des billets pour le cinéma et vice-versa. Et il glisse quand et comment, justement, dans le cinéma? Alors, il voit une production américaine, le cinéma parlant vient juste d'arriver dans les salles. Et là, il s'est dit, oh, il va y avoir du cinéma en français bientôt. Alors, faut que quelqu'un occupe ce marché-là. Et il regarde, il y a presque personne, Puis là, il essaie de fonder une compagnie, mais il n'y a pas les compétences. Et puis, il connaît personne pour pouvoir aller chercher des films en France. Et puis, mais là, dès 1930, une compagnie naît. Et lui, là, il s'intéresse de plus en plus à ça. Et comme il y a une deuxième compagnie de cinéma, de distribution de films qui naît, il va à cette compagnie-là, il devient associé avec un monsieur Édouard Garand, qui était un éditeur de livres d'abord. Et il s'empare de la location du Théâtre Saint-Denis, qui est une des salles les plus prestigieuses pour le cinéma en français à Montréal. Oui. Alors il devient propriétaire, il s'empare de la compagnie de Garand, et on se retrouve à ce moment-là avec deux compagnies, France Film et Franco-Canada Film. Puis là, ben, les deux compagnies fusionnent en 1934. Et c'est lui qui devient gérant général des deux, pour les deux compagnies. Donc, il contrôle à peu près, à ce moment-là, ce qui est distribution du film en français au Québec. À peu près tout. Ouais, puis en même temps, ils ont déjà, les deux compagnies ensemble, ils sont déjà des locataires ou propriétaires de tout un réseau de salles. Ouais. Et ça, Desèves a compris ça très, très vite. C'est avec l'argent, les salles qu'on fait le plus d'argent. Mm-hmm. Puis avec la distribution de films aussi. Puis la troisième étape, ben, ça va être de produire des films. Ouais. Alors, il va essayer dès 39 de faire des films, puis il va réaliser ça 10 ans plus tard. Voilà, parce qu'il y aura évidemment une petite parenthèse qui s'appelle la Deuxième Guerre mondiale, qui commence en 39. Mais c'est intéressant parce que même là, son flair est jamais très loin. Il sait s'adapter aux changements, aux situations nouvelles, J.A. Desèves. On écoute là-dessus, vous allez voir, parce que donc, il a des salles. Le problème, c'est qu'avec la Deuxième Guerre mondiale, il y a moins de films français qui sont produits en France, donc moins de films français pour alimenter les salles de Desèves à Montréal. Qu'est-ce qu'il fait? Il les convertit, ces salles de cinéma, en salles de spectacle, en théâtre. Jeanine Souteau, la comédienne Jeanine Souteau, a joué donc dans un de ces théâtres de Desèves. On l'écoute à l'émission « J'avais 20 ans » en 2008. Après ça, il y a eu l'Arcade, qui était un théâtre de M. Desèves, de France Film, qui était un théâtre où il avait des films. Mais là, il n'y avait plus de films. C'était la guerre. Donc, Monsieur Desèves, il avait formé une troupe. Il avait des comédiens, des grosses vedettes de l'époque. Tous les grands acteurs, en général, passaient ou par l'Espagne ou par je ne sais quoi, mais passaient pour aller à Hollywood. Alors lui, Monsieur Desèves, il est à paix et il faisait jouer des pièces. On les connaissait, ces vedettes-là. On les connaissait d'avoir vu des films. Victor Francen, Jean-Pierre Aumont, Vera Coren, et puis tout à coup on était mis en face d'eux et ils nous parlaient et en plus on leur donnait la réplique. Alors vous imaginez dans quel état, moi j'étais dans tous mes états pour donner la réplique. Alors donc ils nous ont appris des choses, beaucoup. Et puis la première chose, nous disait-il, c'est qu'on vous comprenne. C'est avec eux qu'on a appris. Ça a été une espèce de renaissance du théâtre. C'était une chance incroyable dont je me rendais compte et que j'appréciais. Alors, J.A. Desèves qui va saisir cette occasion, qui va dire, bon, je peux pas présenter de film, je vais présenter ces grands noms, ces Français de passage à Montréal vers Hollywood. Petite parenthèse, mais chez lui aussi, ces grands noms qui viendront à Montréal joueront dans les théâtres de J.A. Desèves, mais il y a toute une vie mondaine aussi, Yves Levert. Beaucoup de gens vont débarquer dans la résidence de Desèves. Oui, il se construit en 1941 une très grande maison, très belle maison à la Noraie. Et puis, pas longtemps après, ils vont acheter une grande maison sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine où il va y avoir des réceptions. Le champagne coule à flot. Ah oui, mais Desèves, lui, il boit très, très peu. Un peu de vin, un peu de champagne, mais presque jamais rien d'autre parce que il se méfie de l'alcool, des gens qui deviennent ivres dans les affaires. Il veut garder le contrôle. Il veut garder toujours le contrôle de lui dans les affaires parce que d'ailleurs, il a acheté une des compagnies en saoulant quelqu'un d'autre. Ah bon? Déjà, c'est des années 30. Donc, il emmène très large, déjà, sur le plan de la distribution des films. Il va se lancer, finalement. Quand est-ce qu'il se lance dans la production de films comme tel? Alors, ça va être en 1947. Et surtout, il fonde une compagnie, mais qui achète des compagnies, des actions d'une compagnie qui existait déjà. Bon, il se lance et il va faire quelques films avec cette compagnie-là, Lumière de ma ville et Le Gros Bill, surtout. Mais déjà, à partir de 1948, il devient l'unique propriétaire de France Film. Ouais. Alors, à ce moment-là, le cinéma français fonctionne très, très, très fort. Les salles font beaucoup d'argent. C'est lui qui distribue tout le cinéma français. Et même les films qu'il ne produit pas, lui, parce qu'ils sont produits par Paul Langlais, qui a été quasiment plus important producteur de films que lui à ce moment-là. Mais c'est lui qui distribue des films de Paul Langlais et qui les exploite dans son réseau de salles. Alors, c'est pour ça que là, c'est la convergence presque totale et ça fonctionne très, très bien. Et c'est avec cet argent-là, finalement, qu'il va vouloir fonder un poste de télévision. Ouais. Il a fondé une compagnie pour produire pour la télévision dès 1952. Encore une fois, toujours cette idée de convergence. C'est important quand même parce que deux producteurs, l'Anglais plus encore que J.A.D.S.F., mais il y a aussi dans le marché québécois un goût qui va se développer pour le cinéma d'ici parce qu'on commence à produire des films d'ici. Et l'un des grands, grands succès de l'époque, c'est ce film réalisé en 1952 par Jean-Yves Bigras et produit par J.A. Desèves. Je me suis embarrée. Ça se peut pas que j'ai débarré par le dehors. Mais maman, hein? Ta mère a peur que je dise la vérité. On se fait enfermer seulement que quand on dit pas la vérité. Je te le dis pour la dernière fois, toi. Laisse ça tranquille. T'as compris? Viens. Tu vas t'enfermer dans ta chambre jusqu'au souper. Et puis toi, attends ton père. La petite aurore, l'enfant martyr, ce sera un immense succès, Yves Levert. Bon coup pour lui, donc, sur le plan des affaires. Ça nous dit quoi, ce film-là, par exemple, dont beaucoup d'auditeurs se souviennent sûrement, ça nous dit quoi sur la vision qu'il a du cinéma, sur le genre de film qu'il veut faire, J.A. Desèves? Je pense qu'il veut faire presque n'importe quoi comme film, à condition que ça rapporte. Ouais. Et puis aussi, il vision s'est rendu compte que le mélodrame, c'est ce qui rapporte le plus à ce moment-là. Alors, sa fameuse phrase qu'il va dire aussi aux gens de la télé après, « Faisez-les pleurer. » Oui. Ou « Faisez-les brailler. » Ouais. Alors, c'est dans les théâtres, à l'Arcade, c'était la même chose quelques années auparavant. Alors, c'est pour ça qu'il a investi dans la production de films comme « La petite aurore », comme dans « Ticoc » aussi. Mm-hmm. Et c'était, en plus, c'est lui qui possédait les studios où les films étaient tournés. Alors, c'est pour ça que ça marchait. Ces affaires fonctionnaient très bien. Oui. Vous êtes aussi spécialiste de la censure, Yves Levert. L'époque où J.A. Desèves produit des films, c'est une époque où vraiment la main de la censure pèse très, très lourd sur le cinéma québécois. Comment il va composer avec ce problème-là? Il y a une loi qui dit que tous les films doivent être soumis à la censure intégralement. Et s'ils sont refusés, après, le distributeur peut les reconstruire, comme il disait. Alors, Desèves, les resoumettre, ouais. Soumettre une nouvelle version. Ouais. Alors, Desèves va jouer beaucoup avec ça. Et même dans les reconstructions de films, c'est passionnant quand on regarde toute cette époque-là, il va changer le montage de films, il va ajouter des inverser des séquences, rajouter des scènes, même faire tourner des scènes pour certains films. Alors, il va être très habile pour jouer avec la censure. Mais pour la production québécoise, au début des années 50, ça, il n'y a pas eu de problème du tout. Ouais. Parce que les gens savaient quoi faire. Ouais. C'est les films français qui causaient des problèmes. Ouais. Les films américains causaient un peu de problèmes, mais ça c'était pas son domaine à lui. Exact. Lui, c'était vraiment le cinéma français. Ouais. Il va même lui-même mettre la main à la pâte, je pense, sur des bandes-annonces. Hein, il va faire du montage lui-même. Il va s'amuser. Oui, oui. Dans sa maison. Ouais. En 1961, c'est peut-être pour ça qu'on le connaît le mieux, c'est cette idée qu'il a d'homme de cinéma, de se lancer dans la télévision. Il crée Télémétropole, premier concurrent français de Radio-Canada. On l'écoute au micro de Jeannine Paquet à l'émission Métro Magazine le 9 février 61. Nous avons l'intention de complémenter les programmes de Radio-Canada pour attirer le public et surtout le garder. L'empêcher, peut-être pas de regarder le poste français, mais de regarder surtout les postes étrangers. Sur un potentiel de 3 millions de téléspectateurs, il y en a beaucoup qui regardent les canaux étrangers et je suis d'opinion que l'avenue du poste numéro 10, canal 10, va aider énormément à diminuer cette vision qu'ont les gens de regarder le canal 10, le canal étranger. Est-ce que vous aurez des romans fleuves? Nous aurons une continuité qui a été composée par Pierre Dagenais, qui s'appelle « Ma femme et moi », et qui va apparaître tous les soirs. Je crois que ça va être la deuxième ou la troisième semaine de l'ouverture, tous les soirs, pendant cinq jours par semaine. Et les films, j'estime, M. Desèves, que vous allez nous en présenter de très intéressants. Nous allons vous présenter d'excellents films, mais je dois vous dire, en toute sincérité, que j'ai été même personnellement agréablement surpris lorsque, il y a 3 jours, on m'a soumis la programmation initiale et j'ai constaté que notre programmation contient 53% de travail en direct. Alors Yves Levert, pourquoi cet homme de cinéma J.A. de Sèvres se lance-t-il dans cette aventure de la télévision en 61? Je pense qu'il veut fonder une nouvelle compagnie, il veut augmenter son chiffre d'affaires, il veut... Il voit que l'avenir est là. Il est dans les... Il aime tous les médias, il aime la radio aussi, même s'il n'investit pas dans la radio, là. Mais il veut toujours agrandir son... Ouais. Ses entreprises. Mais c'est fabuleux parce que à ce moment-là, on dit que la télévision va tuer le cinéma et cet homme de cinéma se dit, ben, je serai de cette aventure de la télévision. Oui, parce que, et dès le début, ce qui est une chose très amusante, c'est qu'à Radio-Canada, les 5-6 premières années de Radio-Canada, on ne passe que des films fournis par France Film. Mmh. Seulement des films en français. Et puis après, ben là, évidemment, Télémétropole va être le canal privilégié pour toute la production que France Film apporte d'Europe et surtout de France. Mmh. Il meurt en 68, J.A. de Sèvres. Puis déjà, c'est la fin de l'émission. On arrive à son héritage. C'est beaucoup, au fond, aujourd'hui, probablement, ce qui reste, qu'on retient de lui, tourne beaucoup, probablement, autour de cette fameuse fondation J.A. de Sèvres. Oui. Quand il décède, il possède sa fortune personnelle et tout ce, parce que c'est lui qui possède tout. Il y a les pas TVA, beaucoup, beaucoup d'entreprises, et c'est évalué à environ 25 millions. Alors, il décide de mettre 23 millions dans une fondation et 2 millions pour des rentes pour ses deux filles qui sont vivantes et puis pour son ancienne maîtresse aussi, pour des rentes jusqu'à la fin de leur jour. Ouais. Alors, c'est la fondation qui va être très, très importante, dont on n'entend pas beaucoup parler pendant presque 20 ans, parce qu'elle n'a pas tellement d'argent, finalement. Mmh. Une fondation ne dépense que les revenus de la fondation. Ouais. Faut pas toucher au capital. Alors, et les gens déjà augmentent le capital, et la fondation va devenir très, très importante en 1986, quand TVA va être vendue à Vidéotron, et que là, la fondation va passer de 30, 40 millions à 200 millions de dollars. Et depuis ce temps-là, bien, on voit le nombre de Sèvres partout dans les rues, dans beaucoup de rues, dans des édifices universitaires, des hôpitaux, partout au Québec. Qu'est-ce qui reste de cet homme-là aujourd'hui? Un homme défenseur des Canadiens français. Il achetait beaucoup d'œuvres de peintres canadiens français. Et défenseur de la langue française, même s'il ne la parlait pas très, très bien lui-même. Et de l'entrepreneuriat canadien-français. Ouais. Contre les anglophones. Il n'aimait pas la mainmise de beaucoup d'anglophones sur les entreprises ici. Alors lui, il voulait imposer beaucoup de Canadiens français dans le milieu des affaires. Yves Levert, merci infiniment d'être venu nous voir. Je rappelle, vous êtes professeur de cinéma, auteur de nombreux ouvrages sur le cinéma, J.A. de Sèvres, diffuseur d'images, et plus récemment, la biographie de Claude Jutras parue en 2016. Merci encore une fois, M. Levert, de votre passage chez nous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.